Dimanche soir, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Bonsoir, Rail Suprême, bienvenue à vous tous, bienvenue Case. Bienvenue à vous. Comment ça va là très très bien, c'est les vacances. C'est les vacances, on approche dans le sérieux, il y a les fêtes de Noël. Ouais, vraiment, ouais. Donc, le réveillon qui approche, le nouvel an qui approche. Prenez des forces, j'ai envie de dire. Et voilà, on finit une année de plus en même temps, Rail Suprême qui se développe et avec qui on a de plus en plus d'auditeurs. Donc ça fait vraiment plaisir. On le voit à travers les hashtags, souvent en top tweet. Et continue à balancer plein de messages. C'est un travail d'équipe. Je tiens à féliciter Fabien, voilà, qui est là, qui est tout timide. Donc tu le félicites. Bon, des fois, il y a un petit peu, mais dans l'ensemble, une bonne note. Mais il est bon, il met une bonne note. C'est même, bon, il sera là. Même Fred. Il passe pour 2016. Je remercie aussi Fred qui, grâce à lui aussi, je suis parmi vous aussi. C'était une idée qui venait de ta part. Ouais, mais écoute, je pense que j'ai fait le bon choix. Bon, ça va. Merci, c'est un plaisir de t'avoir en tout cas tous les dimanches. C'est une troisième année qu'on démarre et ça, ouais. Dans pas longtemps, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et là, comme vous avez pu le constater, la playlist elle est de plus en plus variée. Plus ouverte, et c'est soleil. On fait découvrir des nouveaux titres qui parfois cartonnent quelques mois après. Donc n'hésitez pas, écoutez, chazamez, tweetez. Hashtag, c'est Rail Suprême sur Skyrock et DJ Case, on est parti là, c'est on y va. Coup d'envoi. Ouais. Allez, go. Salut tout le monde, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. On Skyrock. I'm

Et on s'adapte, gradure du loué, c'est que ça tape. Faut que ça tourne, ça m'aille, faut que ça tombe. J'sais à quoi m'attendre, j'fils d'homme critique, il creuse, ça tombe. Pas de pacte avec Satan, ça joue avec mes nerfs, ça commence à ma tête. Censurés, ils veulent les soulever. Saoulés, vous m'avez saoulé. Les gens chez moi, moi j'ai tout le troulé. Moi j'ai tout le troulé. Ça trottine ma bim. On est fait d'or et platine. Dans la maison patine. On te fait un signe. Ça trottine ma bim. On est fait d'or et platine. Dans la maison patine. On te fait un signe. Aujourd'hui, tu l'entends partout. Partout. Tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un coup. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un coup. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange, j'aille, j'aille, j'aille. Là, c'est dingue. Don't you? اوكي خاطر تلمون

Rail Suprême en direct sur Skyrock. Marrakech, laisse-moi mettre l'ambiance. J'ai quitté les sols français, je me lance. Appel sur la compile, pour s'enflamme toutes les vacances. Okay. Oh non, tout le monde a pris ses congés. Belle gosse, à mes côtés j'ai foncé. Location dernier Cayenne, je prends la route vers Tanger. Je fais des stats dans la piscine pendant que toi t'es congelé. Zifou t'as validé, validé. Dans le vide t'as paniqué, paniqué, paniqué. Écoute-moi, tu vas kiffer. Ouais. Une ambiance de qualité. Comment vous dire, je vais bien. Moi, désolé, je suis à l'aise. Le soleil avec mes 5-5, la bedin, bang bang, carré vie, boîte, bitch, grégouze. Boire bien vu dans ma matrix, trop frais, on va se relaxer. Fais pas le fou, on t'allume avant de te menacer. Je vais finir en baisse. Marrakech, je vais rire d'après. After à la piscine, c'est taille. Si tu voulais recharger les batteries, on est dans le délire, c'est du vrai follow. Y'a que des folles et des alcoolos. Tu es vomiti, j'avoue, c'est pas l'eau. Mais qui t'a dit que c'était de l'eau? Ne sois pas bénéfice, mets de côté ta tristesse. Les bénéfices qu'on a gratté dans le business. Marre de manger du riz. Marre de l'eau platine, on ne m'a qu'est-ce du rire. La chair à ta totale, j'craille des cordes et pim pim. J'avais croix combiné, l'artiste de pim pim. Ce soir, c'est de boire, t'apparaît belle. La piscine de la villa, tu connais, on t'aurait que de missiles. Loin des imbéciles, demain c'est l'amnésie. Et elle revient par ici, faut que j'oublie mes soucis. Ce soir, c'est bon, que là, j'vais finir à baiser. Marrakech, j'vais y battre. After à la piscine, c'est dingue. Si tu voulais recharger les batteries, on est dans le délire, c'est du vrai follow. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Gigante, je suis fier de mon parcours. La beauté marocaine, c'est s'habiller. Personne ne peut l'intimider. Elle a le caractère et les hommes l'aiment. Impossible de la draguer. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Tout belle au naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Beauté marocaine. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Tout belle au naturel. Skyrock, rock, rock. C'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Taza ou fesse, beauté marocaine est une princesse. Du nord, sud, est à l'ouest. Dans tous les mariages, elle rend fou les hommes. Danse comme une vraie déesse. Elle a la taille pour bronzer. Type méditerranée. Oh, beauté marocaine. Beauté marocaine. Belle au naturel. Belle au naturel. Oh, beauté

DJ K, c'est déjà la fin de ce Rail Suprême qui nous emmène tranquillement vers les rayons. Tranquillement. Merci en tout cas à toi, une fois de plus. Bien sûr, merci à toi aussi et à tous les auditeurs qui nous ont kiffé ce moment. On a pu le voir à travers les messages. Hashtag Rail Suprême. Hashtag Rail Suprême qui reviendra la semaine prochaine. On sera là juste après justement les fêtes de Noël. Exactement. Et avant d'attaquer le réveillon du 31 décembre, on sera là dimanche prochain. Bien sûr, on sera là dimanche prochain. Et pour les infos, ça se passe comme d'habitude sur Facebook, sur la page, c'est DJ Kays, K-A-Y-Z. Et Instagram, Twitter, Snapchat, DJ Kays Paris. Facilement trouvable. Et n'hésitez pas, si vous voulez des bons plans, ça se passe sur la page. Et les soirées aussi qui arrivent cette semaine. Qui arrivent cette semaine. Et il y a le 24, c'est à Francfort, en Allemagne. Ça s'appelle le Jade 555. Le 25, c'est à Lille, à la Cirque. Le samedi 26 à Beauvais, le VIP, et le dimanche 27 en direct de Marrakech, je ferai l'émission. Le soul. Merci à toi, Kays. Bon voyage. Allez, merci. Et on t'attend dimanche prochain de retour. Je vous ramènerai plein de nouveautés. Avec grand plaisir. Yes. Ciao.